Valérie Levé, au microphone de Futur Simple, résidente de Québec, vous avez nécessairement entendu parler du projet du maire Labeaume de mettre en marche le projet de tramway, et on en parle comme un élément important de la mobilité durable, mais pour faire partie de la mobilité durable, encore faut-il que ce projet, que le tramway soit un mode de transport plus vert qu'un autre, par exemple. Alors, c'est notre sujet ce soir avec Yvan Dutille. Bonjour Yvan. Bonjour. Donc, le tramway peut-il se substituer à d'autres modes de transport et serait-il plus vert, plus vertueux que d'autres? Il peut certainement se substituer à d'autres modes de transport. La question est de savoir est-ce que c'est mieux pour l'environnement au final. Parce qu'on prend pour acquis que c'est mieux. Mais je comprends là, d'après le... C'est pas aussi simple que ça. Ouais. J'entendais un commentaire des commentateurs dit « Ouais, mais tu es quelqu'un qui a regardé ça. » Parce que pour faire le tramway, quand même, il faut faire des trous, il faut prendre des camions, il faut creuser, il faut mettre du ciment, du béton, de l'acier, de l'aluminium. Il y a quand même un effort énorme de dépenses et de consommation d'énergie pour fabriquer le tramway. Juste, il va y avoir un kilomètre de tunnel, donc on va forer les rocs à la dynamite et tout ça. Alors la question, au final, est-ce que c'est mieux que d'avoir des autobus, comme ça certains candidats à la mairie, maintenant chef de l'opposition, proposent, ou est-ce que, même par rapport à des voitures, est-ce qu'il y a un gain au final? Et c'est une question qui est quand même assez fondamentale. Et ça, c'est le genre de question qu'on ne se pose pas par où, mais ça marche à l'électricité, c'est pas polluant. Mais non, ça, c'est juste la partie consommation. La partie opération du système, mais il faut la construction, il faut la mettre en place. C'est ça, c'est comme j'ai des chicanes régulièrement avec des gens, avec les autos électriques, qui disent « Ah, oh, c'est pas polluant. » Mais là, tu ne tiens pas compte de la fabrication de la voiture, puis tu ne tiens pas compte de l'environnement ou le stationnement qu'il faut pour maintenir ta voiture. Donc, l'empreinte écologique est beaucoup plus vaste que juste l'utilisation. Donc, il faut faire, quand on veut faire l'analyse de cycle de vie ou l'analyse de l'empreinte écologique, ben, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Et là, ça change la donne. Mais c'est assez compliqué parce que si on compare d'égal à égal, il faut aussi une route aussi. Ça vient, il y a aussi des bulldozers qui sont arrivés, il y a aussi toute une empreinte écologique liée à l'infrastructure de la route elle-même. Donc, il faut comparer, si on veut comparer le tramway, son tunnel, il faut comparer avec les autoroutes. Oui, c'est ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, regarde, un outil que j'aime parce qu'il est extrêmement simple, c'est l'analyse de cycle de vie par matrice économique entrée-sortie. Bon, alors, tu dis que c'est simple, explique-nous pour que ce soit simple. On va commencer par le commencement. Quand on fait un achat, n'importe quel achat, je vais acheter une pomme. Bon, ben, l'argent de la pomme sert à payer le marché qui, lui, va payer son distributeur, qui va payer le camionneur qui a amené la pomme à la maison, qui lui. L'emballage, peut-être. L'emballage, le stockage. Donc, il y a toutes sortes de champs. Alors, chaque interaction économique affecte un paquet d'autres secteurs de l'économie. Ça, c'est l'aspect matrice entrée-sortie. Donc, quand je fais une activité économique, j'affecte un paquet de secteurs. Et là, les économistes, Statistique Canada, entre autres, tiennent des statistiques pour savoir où va l'argent. Quand j'achète de la nourriture, qui fait travailler, qui va recevoir cet argent-là. Quand je fais de la construction, qui va travailler, qui fait cet argent. Donc, ça, c'est les matrices économiques. Donc, au Canada, il y a une centaine de secteurs économiques et on fait le transfert d'un à l'autre. Ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut suivre les dollars. Mais on sait aussi pour chacun des secteurs d'économie qu'il y a en moyenne par dollar une certaine quantité de pollution produite. Donc, si je peux suivre mon dollar, ben, je peux calculer, mon dollar a produit tant de pollution. Et ça, je peux le faire, la retombée directe. Quand on entend la retombée directe et indirecte en économie, la retombée directe, mon dollar a fait ça directement. Mais on peut faire boucler cette matrice-là sur elle-même à l'infini. Mais comment on le fait, ce lien entre le dollar et la pollution? Ça, c'est les gens qui vont faire, comme les gens du CIREG au Québec. Ouais. Et eux, ils vont faire ce qu'on appelle de l'analyse par processus. Donc, ils vont calculer pour... Si je fais affaire avec l'industrie du ciment, je vais aller mesurer. J'ai une usine qui produit pour 20 millions de dollars de ciment par année. Bon, j'ai un chiffre comme ça. Elle produit, 50 000 tonnes de gaz carbonique. Alors, là, je prends mon 50 000 tonnes, je vise mon 20 millions. Alors, j'ai X kilogrammes ou X tonnes de polluants par dollar investi. C'est comme ça qu'on fait le calcul. Alors, on a cette Et on peut faire ça avec, pardon, dans les différentes branches de l'économie. Exactement. La pomme, là, elle a aussi sa quantité de CO2 associée. Et ce qui est génial, c'est que cet outil-là est disponible pour tout le monde. C'est OpenIO Canada. Mm-hmm. Vous pouvez aller sur Internet, chercher ça. Vous pouvez faire vous-même vos analyses de cycle de vie avec cette façon-là. Donc, j'ai pris cet outil-là, qui est gratuit, qui est super simple à utiliser, et j'ai fait un truc complètement trivial. J'ai pris 3 milliards de dollars, qui est le prix du tramway, mm-hmm. parce que je n'ai pas le budget ventilé. Alors, j'ai pris 3 milliards de dollars. J'ai rentré ça dans le secteur d'économie qui est construction, domaine du transport, et j'obtiens un chiffre. Et faut savoir que dans ce domaine-là, on calcule que c'est 445 tonnes de gaz carbonique produit par million de dollars d'investissement. Donc, on fait la multiplication, on obtient 1 350 000 tonnes de gaz carbonique équivalent, qui n'est pas une quantité négligeable. Et là, bon, okay, est-ce qu'on gagne? Alors, on fait le petit calcul. Une voiture, à peu près 2 000 litres d'essence par année, c'est 4,6 tonnes de CO2. Ben, c'est l'équivalent de 1 350 000 tonnes. C'est l'équivalent de 300 000 voitures pendant une année. Donc, c'est pas négligeable la quantité de gaz carbonique qu'on va produire, de gaz à effet de serre qu'on va produire en faisant le tramway. C'est 300 000 voitures. Donc, c'est comme toutes les voitures de la ville de Québec pendant un an. Mais donc, ça, c'est pour la construction de l'infrastructure? Construction. Ben, l'opération, ça marche à l'électricité. Ouais. Donc, sur la durée de vie, c'est ça. Mais on dit dans le plan qu'on devrait sortir... Mais ça va durer 20 ans. Donc, il faut l'étaler, cette dépense polluante. Il faut l'étaler sur toute la durée de vie du tramway. Il faut l'étaler dans le temps. Mais là, on nous dit qu'on sort 12 600 voitures de la route avec ce tramway-là, parce que les gens vont prendre le nouveau plan de transport. Bien, ça nous donne un retour sur l'investissement de 23 ans. Donc, si tout se passe comme on prévoit, bien, dans 25 ans, on devrait tomber mieux qu'on est actuellement. Ouais. 25 ans après la mise en service, donc vers 2035. Ouais. Évidemment, c'est pour des autos qui fonctionnent à l'essence. Ouais. C'est des autos électriques, ça peut être encore plus tard dans le futur. Donc, on voit que ce n'est pas automatique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et là, j'ai pris la consommation d'essence des autos. Comme on dit, ancien temps, je n'ai pas tenu compte de la route, qui est quand même, et la fabrication de la voiture, qui est à peu près, dans le cas d'une voiture à essence, c'est à peu près le tiers. Donc, on gagnerait plus vite, mais bon, s'ils deviennent électriques, on perd. Donc, on voit qu'il y a quand même un flou artistique, mais ce n'est pas instantané, ce n'est pas automatique. Et le vrai gain, en fait, du tramway, du transport structurant, c'est de concentrer, de permettre... C'est comme agrandir par l'intérieur un appartement, finalement, ou une maison. C'est qu'on a besoin de passer les gens et on a juste un espace physique limité. Et une ligne de tramway a 4 fois la capacité d'une ligne de rue normale. Donc, ça nous permet de passer beaucoup plus de gens, mais ça n'est pas nécessairement beaucoup plus écologique qu'une ligne équivalente, que le moyen de transport équivalent. Ben, on peut penser que ça va durer quand même plus que 23 ans. Donc, On espère avoir des gains au final. On espère, mais... Et en fait, ça c'est un calcul d'amateur. Il y a des gens qui ont fait des choses un petit peu plus sérieuses. J'ai une étude ici, « Environmental Assessment of Passenger Transportation should include infrastructure and supply chain ». Donc, l'évaluation... Le titre, c'est « Les évaluations des transports passagers devraient inclure les infrastructures et la chaîne d'approvisionnement ». Donc, c'est un article qui provient du département de génie civil et d'environnement de l'Université de Californie. Ouais. Et eux, ils ont fait pour la Californie, pour tout ça, mode de transport, l'auto individuel, un train léger. Ils ont fait pour tous les cas de figure. Donc, on a le cas. Et ce qui était un truc tout à fait intéressant, le meilleur moyen de transport de façon absolue, d'après leurs calculs, c'est l'autobus diesel. Ah, c'est un peu Mais surprenant. À l'heure de pointe. Okay. Tous ceux qui ont déjà pris l'autobus à l'heure de pointe savent que ça bat n'importe quoi parce que les gens sont squeezés comme des sardines. Par contre, c'est super pourri en dehors des heures de pointe. Mm-hmm. Donc là, c'est de savoir comment va distribuer votre flotte d'autobus pendant la journée pour votre rendement. Et c'est à peu près la moitié d'un train, d'un SLR, d'un tramway. Donc, ça serait vraiment l'idéal, mais c'est sûr que c'est le cas extrême. Puis je suis pas sûr qu'il y ait des voies réservées dans leur cas. Sinon, si on compare une voiture, c'est à peu près peut-être 2 fois plus que une voiture normale, à peu près 2 fois le niveau de pollution du tramway. du SLR. Donc, il y a quand même un gain environnemental si on fait l'analyse civique de vie détaillée sur la durée qu'on parlait de 40 ans. On disait 20 ans, on prend 40, on divise par deux, hey, on est dans nos dans mes chiffres. Ouais. Donc, on voit un petit peu le genre de mentalité qu'il faut avoir. En tout cas, ça montre que ce n'est pas si facile que ça. Et en plus, là, dans ce type d'analyse de cycle de vie, on considère comme impact environnementaux que le CO2, alors que dans une analyse de cycle de vie en tant que telle, il y a plusieurs indicateurs. Il y a toutes sortes d'indicateurs. Là, donc là, il y a une simplification parce qu'on s'intéresse au CO2, parce que c'est l'indicateur principal du... On a les autres indicateurs aussi dans les tables. La liste des polluants, la radioactivité. Normalement, les tables vont inclure le smog en ville. Les mêmes tables, ce qu'on appelle ces tables étendues-là, on peut calculer le nombre d'accidents de travail, on peut calculer le nombre. Là, ce qu'on entend souvent à la radio, dans les annonces économiques, le nombre d'emplois créés. La même recette de cuisine, on calcule combien d'emplois par dollar, direct et indirect. Donc, on fait la même chose avec la pollution. Donc, c'est un outil très, très simple. Moi, j'avais fait du lobby à une certaine époque pour que qu'il y ait une version qui soit de domaine public pour les gens au Québec. Mais quand on parle avec des spécialistes des analyses de cycle de vie, ils nous disent que ce n'est pas si simple que ça à utiliser pourtant, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a en dessous de la boîte noire. Il y a souvent des moyennes, c'est souvent des moyennes qui sont faites, par exemple, pour l'approvisionnement en électricité ou d'autres. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc, non, c'est pas le... En fait, souvent, ce que les gens vont faire, c'est des analyses hybrides. Ils vont calculer une bonne partie de façon très, très détaillée avec le processus de fabrication. Mais pour certains éléments, comme ce n'est pas très facile à calculer, par exemple, j'utilise des composantes électroniques. Là, je vais avec la moyenne de l'industrie. C'est ça. Moi, j'ai vu dans le domaine du bâtiment, c'était l'impact environnemental des travailleurs de la construction qui viennent travailler avec leurs autos. Et ce n'était pas négligeable du tout dans une maison unifamiliale. Tu peux rajouter ces éléments là, qui sont difficilement calculables avec des outils comme ça. Mais c'est quand même, on sait qu'on on reste dans les ordres de grandeur quand même. Ça donne quand même une idée. Maintenant, il y a un autre point aussi qu'on peut aborder, parce qu'on dit de ce tramway qu'il sera un moyen de transport structurant. On aime beaucoup ce mot-là, structurant. Ça a l'air d'être à la mode. Donc là, il va structurer quoi? On peut se dire aussi, finalement, ça va avoir un impact sur le développement du territoire urbain, de l'urbanisation. Est-ce que donc, un effet vers du tramway, ça va pas être de faciliter la densification et donc d'empêcher l'étalement urbain. Et ça, c'est un impact qui n'est peut-être pas mesuré par l'analyse du cycle de vie. En fait, c'est pas mesuré de cette façon-là, mais c'est ça qui est recherché. Les urbanistes vont vous dire que c'est ça qu'il faut viser. C'est une plus grande densité. Par rapport à la voiture, on est quelque chose de complètement différent. Oui, en fait, entre les banlieues, un bungalow de banlieue et le condo urbain pour la même famille avec les mêmes dépenses, on va à peu près avoir un facteur 2 d'empreinte environnementale. Et la raison, c'est un peu le transport, mais aussi beaucoup la taille des bâtiments. On ne se paye pas un condo de la taille d'un bungalow. On réduit nos mètres carrés, et comme on réduit nos mètres carrés, on réduit notre empreinte. Parce qu'il y a un truc que j'ai un mal fou à faire comprendre avec la plupart des militants écologistes. Le gros de l'empreinte écologique n'est pas causé par les produits de consommation courante, ce sont les biens durables et les infrastructures et la nourriture. Bon, les trois éléments, là, c'est la nourriture, les infrastructures et les biens semi-durables ou durables. Donc, puis là, c'est pas évident. Ils nous répondent toujours, non, mais c'est pas du tout intuitif. Ben, regarde avec tes yeux, tu vois, là, ce qu'il y a comme les humains font, c'est des maisons. Dans une ville, c'est du béton, puis c'est la masse, la matière qu'on fabrique beaucoup, c'est du béton, puis les champs, où est-ce qu'on l'empreinte sur l'environnement, c'est les champs qu'on fabrique. Ouais. Donc, c'est ça qui est l'empreinte écologique. Et c'est pas... ça pose son lot de problèmes culturels, je dirais. C'est pas mais aussi opérationnel, parce que on peut militer contre la consommation, mais on est beaucoup plus difficile de limiter contre la construction, contre les infrastructures. Donc, il y a tout cet aspect-là. Ça nous pose aussi un problème. Si on veut faire une société durable, c'est très, très difficile de changer. Et encore plus parce que ce qui a le plus d'impact en termes de pollution, c'est la construction. C'est aussi ce qui a le plus d'impact économique, pour la même raison, en fait, parce que le petit dollar qu'on investit dans la construction, il est multiplié par un facteur 3 à 5 dans l'économie. Alors, si on dit, on diminue la construction, ça a un impact sur l'ensemble de la société, qui est très sévère. Ouais. Donc, ça serait le meilleur bras de levier, mais c'est lui qu'on on veut moins utiliser. Oui, mais là, excuse-moi, t'as dit tout à l'heure, donc, quelqu'un qui habite en banlieue a une empreinte écologique. Comment par rapport à la personne qui habite en centre-ville? À peu près un facteur 2. Mais qui est le plus fort en banlieue? En banlieue, c'est ça. C'est ce qu'on voit, ce qui a été mesuré à Toronto, au Canada et en Australie, où les gens ont fait la comparaison dépendant des milieux. Et plus on sort de la ville, j'imagine que l'empreinte écologique augmente parce qu'on va avoir des distances de déplacement plus importantes, même pour faire venir les biens de consommation qu'on va aller acheter à notre épicerie du coin, dans notre patelin là-haut. Il faut quand même le faire venir, donc il y a une empreinte associée à tout ça. C'est les infrastructures par personne. C'est ça. La distance de route par personne. Moi, chez moi, j'ai la largeur de mon terrain divisé par deux avec les voisins en face, puis le reste, on le partage. Alors, quand tu es rendu à la campagne, imaginez l'agriculteur qui habite dans le troisième rang, mais lui, il peut encore avoir un facteur 2 par rapport aux banlieusards. Donc, il y a des militants écologistes qu'il ne veut plus me parler depuis que je lui ai dit... J'ai dit oui, mais ton empreinte écologique est 4 fois ce qu'elle était quand tu habitais un appartement à Montréal. Ouais. Je suis bien, je suis dans la nature. Non, mais c'était pas. Il n'y a pas de gain, là. T'es mieux, mais il n'y a pas de gain pour personne. Ouais. Puis en fait, c'est pas juste la route, c'est même toutes les infrastructures, les aqueducs. Les lampadaires et tout. C'est pas des trucs qu'on peut dire, OK, là, je vais me priver d'eau. Puis même. Non, je vais me priver de faire des bon, et puis c'est même sur la. Ça se répercute même sur les services, en fait. Sur les services la collecte des ordures. Oui, puis même ultimement, dans la notion d'infrastructure, si on veut pousser loin, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est le système de justice. Donc, ça n'a pas une empreinte à tout casser, mais on oublie ça, les services gouvernementaux. L'État au Québec, c'est la moitié de l'économie. Mm-hmm. Donc, vous verrez ça comme vous voulez, c'est à peu près la moitié de l'empreinte écologique, ou peut-être un tiers. Là, parce que, donc, il y a quand même... C'est l'espèce de vision plus systémique où tout est intégré. Les gens ont tendance à focaliser sur quelques points et il n'y a pas de cette vision-là intégrée qui est beaucoup plus difficile à appliquer. Oui. Mais donc, je reviens justement au tramway. C'était un peu notre point de départ. Donc, on voit qu'effectivement, en banlieue ou en banlieue éloignée, plus on s'éloigne finalement, plus on a une empreinte écologique forte. Mm-hmm. Donc, avec un système de transport structurant qui devrait faciliter ou éviter l'étalement urbain ou faciliter, encourager la densification urbaine. Est-ce que de ce côté-là, on n'a pas quelque chose de plus vert qu'une autoroute? Ah oui, bien ça, c'est l'intérêt de ce transport structurant-là, c'est de densifier, de permettre aux gens d'avoir un mode de vie intéressant en ville. C'est tout le défi est là. La raison pourquoi les gens veulent aller à la campagne, c'est parce que en ville, c'est bruyant, c'est pollué. On se marche dessus, alors ça prend des arbres, ça prend des parcs, ça prend du gazon. D'ailleurs, la ville, dans le plan d'intégration du réseau de transport structurant, ont des dizaines de millions de dollars pour planter des arbres, pour faire des espaces verts, parce que tu peux pas juste amener les gens, parce que sinon tu fais juste déplacer le problème. On a vu ça en Europe, il y a ça, il y a des petites communautés qui sont, ce qu'en anglais ils disent, transit-oriented. Il y a une station de train de banlieue, il y a une petite communauté, puis ils font juste voyager les gens. Donc, le gain environnemental n'est pas là. Mais c'est sûr, si tu arrives à amener des gens à habiter dans des endroits intéressants en ville, là, tout le défi de l'urbaniste est là. Mais ça, les urbanistes, ils sont pas si mal pour comprendre ces trucs-là. Là, tu as tout ce gain-là. Et l'avantage, parce que les villes ont avec l'économie, en fait, c'est l'avantage économique des villes, c'est que avec l'économie du savoir, la richesse est dans les personnes. Mm-hmm. Alors, plus tu as de gens, plus tu as de contacts, plus tu as d'interactions, plus tu as de richesse. Mais si tu veux faire, il faut que ça soit agréable pour les gens, parce que sinon les gens vont se sauver. Trucs comme on voit en Californie, où les gens, le moment où il y a le plus d'embouteillage, il y a plus de la pollution, c'est le samedi puis le dimanche, parce que les gens vont à la campagne, parce qu'ils ne sont pas capables de s'endurer en ville. Puis on voit ça, on voit aussi ces migrations-là en Europe, où les villes se vident la fin de semaine, les gens vont à leur chalet, mais là, le mouvement pendulaire la semaine, tu le reprends à moitié samedi ou le dimanche. Mais donc finalement, c'est pas si facile que ça de se projeter un petit peu. On a une infrastructure qu'on veut mettre en place, de se projeter sur les impacts, les avantages environnementaux que ça va apporter. Oui. Ça demande quand même de regarder très largement sur, comparé avec les autres modes de transport, de regarder toutes les incidences. Tu dis toutes les économies sont liées. Mm-hmm. Donc là, c'est pareil, de regarder toutes les incidences sur les autres économies et la pollution de ces autres économies. Donc c'est une réponse quand même difficile à apporter. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui se posent ce genre de questions-là. Tu parlais des autres économies, toute la question de l'importation, on s'éloigne de notre discussion principale. Bien, la même matrice économique entrée et sortie qui existe pour le Canada, bien, il y a une équipe en Australie qui le fait pour la planète entière. Ah oui? Alors, ils peuvent... C'est un travail de moine? Oui, c'est très compliqué parce que c'est pas tous les pays qui ont des tables économiques. Alors, ils bougent des trous. Et en plus, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, une des difficultés qu'on n'a pas au Québec, c'est qu'on n'a pas de matrice pour le Québec. Dans beaucoup de secteurs... Il me semble que le CIREG avait fait quelque chose. Oui, ils ont une... Et le problème, c'est que dans beaucoup de secteurs, quand tu as moins que deux entreprises... moins que trois. En fait, moins que trois entreprises, bien, les données deviennent protégées par la loi sur les renseignements confidentiels. Et là, tu as des trous dans ta matrice. Alors, il faut faire des passe-passe du ninja mathématique pour boucher les trous avec des valeurs approximatives. Et c'est un peu ça que les gens font. L'équipe de Manfred Lenzen à l'Université de Sydney fait, là, qui est un physicien dévoyé en écologiste. Donc, on a ces outils-là. C'est ce qui est, moi, c'est ma frustration personnelle généralisée, c'est qu'on a tous ces outils d'aide à la prise à la décision qui pourraient nous aider à guider nos politiques publiques, mais on ne les utilise pas parce qu'on utilise des approximations souvent basées sur des perceptions et complètement erronées. Oui, ben, je crois qu'il y a un autre aspect qui entre en ligne de compte sur le fait qu'on utilise ou non ces outils-là. Il y a la compréhension par les politiques et l'acceptation sociale. Si les gens veulent une autoroute, on va avoir une autoroute. Si les gens veulent un tramway, on va avoir un tramway. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Ben, en tout cas, je pense que ça nous éclaire un petit peu sur la difficulté qu'il y a effectivement à juger du côté environnemental d'un projet ou non. Merci beaucoup, Yvan. Ça me fait plaisir.